الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا ورحمة للعالمين ومن أعظم ما جاء به الإحسان إلى اليتامى الإحسان إلى اليتامى يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده في سورة الأنعام وفي سورة الإسراء واليتيم يا عباد الله هو الذي فقد أباه قبل البلوغ فهو بحاجة إلى مزيد من العناية واللطف والرحمة لذا شرع الله سبحانه وتعالى في حقه أمورا عظام ومن ذلك ما جاء في آية الحقوق في سورة الأنعام وفي سورة الإسراء ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن أي إلا بما فيه صلاحه وتثميره كما ذكر الطبري في تفسيره ولما وصف جعفر ابن أبي طالب الإسلام للنجاشي وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكر أن قال وينهانا عن أكل مال اليتيم أيها الناس إن الإسلام جعل أكل مال اليتيم بالباطل من أسباب الهلاك في الدنيا والآخرة ومن أعظم الموبقات والكبائر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم الحديث فأكل مال اليتيم يا عباد الله من أعظم الذنوب ومن أعظم الكبائر ومن الموبقات أي المهلكات التي تهلك صاحبه في الدنيا والآخرة رواه البخاري ومسلم ويصف ابن عباس رضي الله عنهما حالة الصحابة وخوفهم عندما أنزل الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالذي أحسن وقوله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا اجتنب الناس مال اليتيم وطعامه فشق ذلك على المسلمين فشقوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير إلى قوله لأعنتكم رواه أحمد هكذا أيها المؤمنون وفي غير ما آية من القرآن نهانا ربنا سبحانه وتعالى من ظلم اليتامى فقال جل وعلا في سورة الفجر كلا بل لا تكرمون اليتيم وقال جل وعلا في سورة الضحى: وأما اليتيم فلا تقهر. وقال مولانا جل وعلا في سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وفي قصة موسى مع الخضر مثل جميل جدا في حفظ حق اليتيم والإحسان إليه. لما أصلح الخضير جدار يتيمين استغرب موسى من ذلك قبل أن يدرك الحكمة من فعله عليه السلام. قال الله: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. فمن أراد يحفظ الله ذريته وأسرته بعد موته فليكن من الصالحين. أرسل الله سبحانه وتعالى نبيين كريمين لإصلاح هذا الجدار وحفظ كنز اليتيمين. هذا يبين لنا عظمتهم في ديننا الإسلامي. أيها الناس، إن الإسلام يأمرنا بإكرام وتكريم اليتامى والإحسان إليهم، ويعلمنا بأن الإحسان إليهم سبيل الفوز بالجنة ورفع الدرجات فيها. ذكر الله سبحانه وتعالى في صفات الموحدين المتقين الخائفين من رب العالمين: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الآيات. وأكد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحق العظيم، حق اليتامى، فقال كما أخرج النسائي وصححه الألباني من حديث أبي شريح الخزاعي قال صلى الله عليه وسلم: إني أحرج حق الضعيفين، يعني اليتيم والمرأة. عباد الله، من أراد رفع الدرجات في الجنة بل أن يكون بجوار سيد المرسلين والمتقين، سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فليقم برعاية اليتامى وليحسن إلى اليتامى وليطعم اليتامى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار إلى السبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. وكفالة اليتيم تعني الإحسان إليهم وتربيتهم والإنفاق إليهم والقيام بحقوقهم وحفظ أموالهم. أخرجه البخاري ومسلم من حديث سهل. وقد أخبرنا نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أن الساعي على الأرملة والمساكين كقائم الليل وصائم النهار. وسنذكر في الخطبة الثانية قصة عظيمة حصلت في زمن النبوة. وقبل ذلك لا أنسى أن أذكركم بحال خاتم الأنبياء والمرسلين. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبعث آخر الأنبياء والمرسلين وسيدهم وإمامهم يتيما، فقد فقد أباه نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يلد وهو في بطن أمه، فخرج إلى قيد الحياة وأبوه قد توفي، ثم عاش مع أمه وتوفيت وهو ابن 6 سنين فبلغ أعلى درجة الحب اليتم عليه الصلاة والسلام. وقد امتن الله عز وجل في القرآن الكريم عليه: ألم يجدك يتيما فآوى والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، أكرمنا بهذا الدين وشرع الإحسان إلى اليتيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبعد، certes Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète et messager en tant qu'annonciateur de bonnes nouvelles et en tant qu'avertisseur et également en tant que miséricorde pour les mondes. Et parmi les plus belles choses avec lesquelles il nous est venu, sallallahu alayhi wa sallam, la bienfaisance envers les orphelins et l'interdiction de les opprimer et de les spolier de leurs biens. L'orphelin, cher frère, est celui qui a perdu son père avant l'âge de la puberté. En islam, l'orphelin a pour définition l'enfant qui a perdu son père avant l'âge de la puberté. Car en effet, c'est celui qui sort afin de rechercher la subsistance du foyer. L'orphelin a donc besoin tout particulièrement de douceur, de bienfaisance, qu'on dépense pour lui, qu'on préserve ses biens s'il a eu un héritage. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a préservé l'orphelin, a préservé ses biens et a légiféré de nombreuses choses à son égard. Et parmi cela, ce qu'Allah azza wa jal nous cite dans le Coran, dans Sourate Al-An'am et dans Sourate Al-Isra, pour nous montrer les droits et nos devoirs envers les orphelins. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, selon la traduction: et ne vous approchez pas des biens de l'orphelin. Et ne vous approchez pas des biens de l'orphelin, si ce n'est de la plus belle manière, c'est-à-dire si ce n'est pour faire fructifier ses biens, pour préserver ses biens, et cela jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité. Lorsque l'orphelin atteint l'âge de la raison, du discernement, ou plutôt lorsqu'il commence à pouvoir gérer seul ses affaires, celui qui est garant de ses biens a l'obligation de les lui remettre. A l'obligation de les lui remettre, comme Allah Azza wa Jalla l'enseigne dans Sourate An-Nisa. Donc, la personne doit considérer l'orphelin et lui accorder une attention toute particulière. Ja'far ibn Abi Talib, radiallahu anhu, lorsqu'il exposa l'islam à Najashi, en terre d'Éthiopie ou le Habasha, il lui a expliqué ce qu'était l'islam et il lui a enseigné ce avec quoi nous est venu notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ce qu'il lui a dit, c'est qu'auparavant le plus fort parmi nous mangeait le plus faible. Il lui a également dit: il nous est venu et nous a interdit de manger les biens de l'orphelin, de voler les biens de l'orphelin. Chers frères, le fait de spolier les biens de l'orphelin et de les prendre injustement fait partie en islam des plus grands péchés, des choses qui causent la perte du serviteur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: éloignez-vous des 7 péchés qui causent la destruction du serviteur. Les compagnons ont dit: lesquels, au messager d'Allah? Et lui de répondre sallallahu alayhi wa sallam: le polythéisme, la sorcellerie, le meurtre, le fait de consommer de l'intérêt, l'usure, et le fait de manger les biens de l'orphelin. Le fait de manger les biens de l'orphelin, ces péchés font partie des péchés capitaux qui causent la perte du serviteur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma nous montre la peur qu'avaient les compagnons d'être injustes envers les orphelins après qu'Allah Azza wa Jal eut révélé le verset que nous avons cité, dont la traduction est « Et ne vous approchez pas des biens de l'orphelin », puis le verset dont la traduction est « Ceux qui mangent les biens de des orphelins injustement ne font que remplir leur ventre de feu, ne font que remplir leur ventre de feu et ils y entreront, et ils y entreront ». Les compagnons, après la révélation de ces deux versets, se sont éloignés des biens de l'orphelin au point où ils ne voulaient plus manger dans la même assiette que l'orphelin, de peur d'entrer dans ces versets. Et lorsque cela s'est fait difficile, ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ont informé de cette difficulté de trier tous les biens et de ne manger avec l'orphelin. Alors Allah Azza wa Jal a révélé le verset dont la traduction est « Et il te questionne au sujet des orphelins. »« Qul islahu lahum khayr » Par la suite, Allah Azza wa Jal a permis aux compagnons qui étaient dans le besoin de s'associer au bien de l'orphelin, par exemple dans la nourriture et dans d'autres choses. Quant à celui qui a les moyens, il n'a pas le droit. Celui qui s'occupe de l'orphelin et qui a les moyens, il n'a pas le droit de toucher de ses biens. Et l'islam nous interdit l'injustice envers les orphelins et toute dureté à leur égard. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, mais non, c'est plutôt qu'ils n'honorent pas l'orphelin. Dans un autre verset dont la traduction est, quant à l'orphelin, ne lui cause pas de tort. Tout tort est interdit à l'égard de l'orphelin. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans un verset dont la traduction est « N'as-tu pas vu celui qui dément le jour de la résurrection ? C'est celui qui se montre dur envers l'orphelin. C'est celui qui se montre dur, qui rejette l'orphelin. Cela car il ne croit pas au jour du jugement dernier. Il ne croit pas au retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne se montre pas bienfaisant envers ses serviteurs. Il n'attend pas la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et une des plus belles histoires qu'on nous cite dans le Coran, elle est concernant ou bien en relation avec les orphelins, l'histoire de Moussa avec Al-Khadir. Lorsqu'Al-Khadir alayhi salam a réparé ou a remonté un mur qui s'apprêtait à tomber, lorsque Moussa lui a la questionné à ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite cela dans le Coran et nous cite cette réponse dans le Coran. Quant au mur, il appartenait à deux orphelins qui vivaient dans la ville et sous cette terre, il y avait un trésor. Il y avait un trésor. Quant à leurs parents, c'était des personnes pieuses. Donc, Al-Khadir a reconstruit, a remonté un mur. Pourquoi ? Car en s'effondrant, on aurait découvert le trésor qui se trouvait sous ce terrain. Et ce terrain appartenait aux parents des orphelins. Et ses parents étaient des personnes pieuses. Alors Allah Azza wa Jal a préservé la richesse de ces orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent leur majorité. Allah Azza wa Jal a voulu pour eux préserver ce trésor et qu'ils puissent en tirer profit après avoir atteint l'âge de la force. Et cela en tant que miséricorde de la part de ton Seigneur. Regardez dans ce verset, dans cette histoire, Allah Azza wa Jal envoie deux prophètes pour remonter ce mur, pour préserver les biens de l'orphelin, et à toute personne qui craint pour ses enfants et sa descendance, celui qui veut qu'Allah préserve ses enfants après son décès, celui qui veut qu'Allah Azza wa Jal préserve ses enfants après son départ et sa famille, qu'il se montre pieux. Celui qui est pieux, Allah subhanahu wa ta'ala le préservera lui ainsi que sa descendance. Comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ihfadillaha yahfadk » Préserve les limites d'Allah, il te préservera. C'est-à-dire dans toutes choses, dans ta religion, dans tes biens et dans ta famille. Sachez mes chers frères que la bienfaisance envers les orphelins est une grande porte qui mène au paradis d'Allah azza wa jal, vaste comme les cieux et la terre. Et que ceux qu'Allah azza wa jal a décrit par la piété dans le Coran sont ceux qui dépensent pour l'orphelin. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il dépense de la nourriture alors qu'il l'aime pour les pauvres et pour les orphelins. Ils dépensent de leur argent, de leur nourriture pour nourrir les orphelins alors qu'eux-mêmes aiment cela. Pourquoi cela, mes chers frères? Car ils ont peur du retour vers Allah. Car ils sont sincères envers Allah et ils ont peur du retour vers Allah. Ils apprêtent leurs provisions pour comparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam a accordé énormément d'importance à ce droit et nous fait peur de ne pas nous acquitter de ce droit lorsqu'il nous dit alayhi salatu wa salam: je vous mettrai dans la gêne si vous ne vous acquittez pas du droit de ces deux personnes, la femme et l'orphelin. La femme et l'orphelin. Car en général, lorsque ces deux êtres-là n'ont pas de tuteur, les gens se permettent de les opprimer et de leur faire du mal, comme c'est bien connu chez ceux qui ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui veut être avec le prophète alayhi salatu wa salam, dans sa compagnie au paradis, qui veut être avec le prophète alayhi salatu wa salam, élevé au paradis, il nous dit alayhi salatu wa salam: moi et celui qui prend soin de l'orphelin, nous serons comme ces deux doigts-là au paradis. Et il a écarté entre son index et son majeur. Celui qui prend soin de l'orphelin, Allah tabaraka wa ta'ala l'élèvera dans les hauts degrés du paradis. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui prend soin de la femme veuve est semblable à celui qui prie la nuit et qui jeûne le jour. Il est semblable à celui qui prie la nuit et qui jeûne le jour. Et écoutez cette histoire qui a eu lieu au temps des compagnons, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Lubaba avait des biens et des richesses dans un jardin. Parmi ceux-là, ce qu'on appelle al-idq. Al-idq, c'est une grosse grappe de dattes ou de fruits. Et lui et un orphelin se sont disputés cela. Lui et cet orphelin, lui et un orphelin, se sont disputés cette grosse grappe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé entre eux. Et il a dit que ceci revient de droit à Abu Lubaba. Alors l'orphelin s'est mis à pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé Abu Lubaba. Et il lui a dit: da'ahoula. Il lui a dit: donne-lui. Accorde-lui, ça te revient de droit, mais donne-le à l'orphelin. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu pleurer, il a eu pitié de lui. Il lui a dit: donne-lui et Allah azza wa jalla t'en donnera deux au paradis. Abu Lubaba a préféré le garder. C'est alors que Abu Darda, radiallahu anhu, a entendu cela, il a couru vers Abu Lubaba. Et il lui a dit: ya Abu Lubaba, un idr contre deux au paradis, c'est bien ce qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Lubaba a dit oui. Alors Abu Darda est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: ya Rasulallah, si je l'achète et que je l'accorde à l'orphelin, est-ce que moi aussi je reste là au paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui. Alors Abu Darda a couru, il a pris cela et l'a offert à l'orphelin. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: bonne nouvelle à Abu Darda, il a obtenu une multitude de ce qu'il a donné au paradis. Bonne nouvelle à Abu Darda, il a obtenu une multitude de ce qu'il a donné à l'orphelin au paradis. Et ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed et l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala nous dit que ce hadith est authentique. Mes chers frères, pour finir, notre prophète et bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sachez qu'il était orphelin. Allah tabaraka wa ta'ala, de par sa science et sa sagesse, a décidé, a décrété que le dernier prophète et messager, le meilleur d'entre eux, l'imam d'entre les pieux, allait naître orphelin. Sachez que son père est décédé alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère, Amina. Puis lorsqu'il est venu au monde, sa mère s'est occupée de lui. Puis Halimatu Sa'diya l'a pris pendant 2 années, puis 2 autres, il a allaité Fibalisat. Ensuite, elle l'a ramené à sa mère, Halima, qui l'a gardé encore 2 années. Et à l'âge de 6 ans, mes chers frères, alors que la mère de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était en voyage à Medina pour visiter la famille paternelle du côté de sa mère, ou plutôt de son père, la famille maternelle du côté de son père, elle est décédée. Elle est décédée lors du retour de son voyage avec Thuwayba, la servante de Abu Lahab. Alors Thuwayba est revenue avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans sa mère. Imaginez cette situation et cette grande épreuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu le jour et n'a jamais vu son père. Puis à l'âge de 6 ans, sa mère est décédée. C'est son grand-père Abdul Muttalib qui l'a gardé et l'a élevé jusqu'à ses 8 ans. Puis Abdul Muttalib également est décédé. C'est alors son oncle Abu Talib qui l'a recueilli et qui l'a élevé et éduqué. Tout cela pour vous dire que l'orphelin a une grande place en islam. Et Allah Azza wa Jalla a rappelé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce grand bienfait en lui disant « Ne t'avons-nous pas trouvé orphelin, nous t'avons recueilli. » Puis Allah Azza wa Jalla dans surat al-Duha lui a interdit la dureté envers l'orphelin. Mes chers frères, il nous faut être bienfaisants envers les orphelins, s'enquérir de leur situation, dépenser pour eux, être miséricordieux et bon envers eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Darda, tu veux que ton cœur s'adoucisse? Tu veux que ton cœur s'adoucisse? Sois miséricordieux envers l'orphelin, caresse sa tête et nourris-le de ta nourriture. Ton cœur s'adoucira. Ton cœur s'adoucira si tu as de la pitié envers l'orphelin, que tu caresses la tête de l'orphelin et que tu nourris l'orphelin de ta nourriture. À ce moment-là, ton cœur s'adoucira. Et sachez que parmi les grands savants de l'islam, certains étaient orphelins, mais Allah tabaraka wa ta'ala, par sa protection, il les a préservés. À l'image de certains parmi les 4 imams, les grands imams de l'islam, comme l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, il était orphelin, mais c'est devenu imam dunya, imam ahli sunnati wal jama'a, Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala. C'est sa mère qui l'a éduqué et elle lui disait « Va chercher la science et moi je vais t'aider en faisant de la couture. Va chercher la science et moi je vais t'aider en faisant de la couture. » Combien parmi les imams de l'islam, ce sont leurs mères qui se sont investies, ce sont leurs mères qui ont veillé sur eux, ce sont leurs mères qui les ont préservés et ils sont devenus des imams de l'islam. Ne pense pas que parce que l'homme décède, qu'Allah Azza wa Jalla abandonne son serviteur. Mais nous, il nous fait être bienfaisants envers eux. Wallahu a'lam. Wa salli Allahumma wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillah. Et comme vous l'avez entendu avant moi, et comme vous l'entendez chaque semaine, il y a une date butoir pour l'édifice de cette mosquée. Et on demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte qu'elle se lève sur le tawhid wa sunnah. Et pour ce faire, il nous faut dépenser. Et pour ce faire, il faut donner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on encourage les frères à donner et à s'engager à donner sur un long terme, même si c'est une petite somme. Si chaque personne donne chaque mois ou chaque année là, une somme conséquente, on espère en Allah Azza wa Jal que cela s'élève. Wa billahi tawfiq.